Moi je suis de ceux qui respectent le code de l'honneur, pendant que certains mettent leur soi-disant couilles dans leur chargeur. Beaucoup sont entourés, mais combien sont des putes maquées par les macros de leur propre quartier. Tous dangereux, comme un parano calibré en manque de pédo, manque de peau. Wow. Sur le terrain, c'est de plus en plus tôt. Wow. La violence bousille l'avenir des jeunes ados. Wow. C'est de plus en plus chaud. Les plus grands loups de la rue poussent les louveteaux à sortir les crocs. Wow. À ne plus jamais se faire de cadeaux. Wow. Car survivre est devenu un lourd fardeau. Wow. Vite chien, faire pleurer Brigitte Bardot. Wow. Sache que l'enfer a pris le pas sur nos ghettos. Wow. Et pour le cash, c'est coup de chlasse, coup de crasse, trop de lâche, coup de crosse et de coup de couteau dans le dos. Wow. Mon frère, un seul faux pas, et c'est la mort qui te ramasse à la petite cuillère. De nos jours, y'a plus besoin de flics pour faire des bavures. Preuve comme quoi vivre parmi nous beaucoup d'ordures. Que Dieu nous pardonne d'avoir trahi ta confiance. Car ici, pas le diable ne cesse d'être dans la confidence. Mon frère, vois ce qu'il laisse ta foi sans voix, sans foi ni loi, on pille. On met le feu à la paille, on massacre impunément la nature. L'argent pourrit les gens et nous laisse trop de séquelles, trop de fractures. L'avenir semble voué au désastre. Oh, c'est triste que le discours fasciste d'un de ces patins d'afrocentriste. Au lieu de se mentir, avant qu'il soit trop tard, mes frères et sœurs, faudrait mieux tous se repentir. Pourtant je crains le pire, car c'est sur ton sang que ces monstres d'hommes veulent bâtir leur empire. L'atrocité du 11 septembre. Depuis tout paraît possible et rien ne paraît paisible. La race humaine est prise pour cible. Certains blasphèment même le Coran et puis la Bible. On dénonce plus d'anarchistes que de pacifistes. La haine est un case qu'il faut de suite éradiquer. C'est main dans la main mon frère, main dans la main ma soeur. Que la paix il faut tous revendiquer. Mais quoi je dise et quoi que je fasse, je sais qu'au moment où tu m'écoutes, la souffrance envahit notre monde au compte-gouttes. Marre de voir des marres de sang. Que Saddam et Sharon laissent vivre en paix leur peuple innocent. Mais rien n'y fait, la rage de l'homme depuis des lustres. Entre Salam et Shalom, la violence illustre. Toujours désunis, et les complices ne sont autres que les États-Unis.